Zolka. Aïe, j'ai la larme à l'œil, la haine à revendre. J'ai la larme à l'œil, le visage qui transpire, de la haine à revendre, de la joie dans une cage. Me parle pas d'hypocrisie, j'en ai rien à foutre. Si je me suis barré, c'est parce que j'ai été vexé. Y'en a qui veulent me tester, ils ont que ça à foutre. Normal, puisque je suis plus fort, ma vie sur une poutre. Le rap me sauve, ne joue jamais au coude à coude. Ma chaîne de vie, un bras de fer, de la haine à revendre, pour pas très cher, même quand des kilos, tu peux la prendre. En attendant, je pose et fais mal et soigne mes cicatrices. Ne me juge pas si tu me connais pas. Ne me dis pas qui je suis. Y'a que moi qui le sais. Et ceux qui depuis toujours me suivent. Ne me juge pas si tu me connais pas. Ne me dis pas qui je suis. Y'a que moi qui le sais. Et ceux qui depuis toujours me suivent. Y'a que l'inaccessible qui m'attire, fuck. L'accessible me prend pas pour cible. Le chétan m'a déjà pris le goût du risque. Je suis prêt à gagner la guerre, toujours volontaire. J'ai plus rien à perdre, je me suis fait tout seul. Je connais pas ce qu'est un père. J'ai de la haine à revendre. Et si t'as pas compris, t'es un minable ensemble. On n'a jamais grandi, mon acolyte ZIZ te dira qui je suis seul. Les vrais le savent dans la Tessie. Les faux, eux, sont mes ennemis. Rien à faire d'autre à part pomper des teubis. De la haine en ND, mon street vaut 100 000 fois tes idées. Beauté les fesses des rappeurs, ces putains de fils à papa. Ne me juge pas si tu me connais pas. Ne me dis pas qui je suis. Y'a que moi qui le sais. Et ceux qui depuis toujours me suivent. Ne me juge pas si tu me connais pas. Ne me dis pas qui je suis. Y'a que moi qui le sais. Et ceux qui depuis toujours me suivent. Si t'as un plan, où y'a du bifton, moi je veux en être. Dis-moi toi, STP, tu connais quoi mon poteau, à part rien sur moi. J'ai peur que de Dieu et que de ma mère. Ma haine se révolte face au commissaire. Trop de mes frères incarcérés, trop de disparus qui continuent à nous manquer. Ma haine se révolte, je vote pour personne tant que la galère persiste et cogne. L'amour est mort, me prends pas pour un con. Depuis que le roi est devenu le bouffon, je baise la reine, je veux que la couronne, pour la poser sur la tête de ma daronne. Les soucis ont formaté à l'iche du rap. Moi, je m'en fiche. Ne me juge pas si tu me connais pas. Ne me dis pas qui je suis. Y'a que moi qui le sais. Et ceux qui depuis toujours me suivent. Ne me juge pas si tu me connais pas. Ne me dis pas qui je suis. Y'a que moi qui le sais. Et ceux qui depuis toujours me suivent. Ne me juge pas si tu me connais pas. Ne me dis pas qui je suis. Y'a que moi qui le sais. Et ceux qui depuis toujours me suivent. Ne me juge pas si tu me connais pas. Ne me dis pas qui je suis. Y'a que moi qui le sais. Et ceux qui depuis toujours me suivent. Ne me juge pas si tu me connais pas. Ne me dis pas qui je suis. Y'a que moi qui le sais. Et ceux qui depuis toujours me suivent. Ne me juge pas si tu me connais pas. Ne me dis pas qui je suis. Y'a que moi qui le sais. Et ceux qui depuis toujours me suivent.